إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 10 de Al-Mula dans la série de Al-Mulakhas Al-Fiqhi du Cheikh Salih Al-Fawzan et on est arrivé aujourd'hui à expliquer Babun fi Shurut Al-Salah, c'est-à-dire un chapitre en ce qui concerne les conditions pour établir la Salah. Donc le Cheikh il explique en premier, il donne la définition du mot Shart, c'est-à-dire le mot Shurut c'est le pluriel d'un mot qui est Shart. Et ce mot-là, c'est-à-dire les conditions. Et on explique maintenant la définition de ce terme dans la langue arabe et dans la religion. Donc le cheikh il dit "Ash-shartu lughatan al-alama". Donc dans la langue arabe, le mot shart ça veut dire un signe. C'est pour ça qu'on dit "Ashratu sa'a", c'est-à-dire les signes de l'heure du jugement dernier. Donc quand on dit ash-shart, c'est-à-dire al-alama. C'est le signe. Et dans la religion, le chef dit وَشَرْعًا مَا يَلْزِمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمِ وَلَا يَلْزِمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودِ وَلَا عَدَمِ لِذَاتِهِ. C'est-à-dire que si par exemple je dis si A est respecté, alors B va être respecté également, ou va pouvoir se produire. Mais si A n'est pas respecté, alors B ne sera pas appliqué également. Donc ça c'est un petit peu comment expliquer la condition, qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire si quelque chose, si B par exemple a besoin de A pour exister, donc si A n'est pas présent, donc B ne peut pas exister non plus. Donc ça c'est la définition qu'il a dit. Et pour définir ça par un exemple, eh bien je dirais par exemple que si tu n'as pas ton wudu, tu ne peux pas faire ta salah. Donc, ton wudu est une condition pour ta salah. Et si tu as ton wudu, donc tu peux faire la salah. Et si tu as le wudu, ça ne veut pas dire nécessairement non plus que tu dois faire ta salah si ce n'est pas le temps de la prière, par exemple. Donc, c'est une condition. C'est-à-dire, le wudu est une condition pour la salah. Donc, ça, c'est un exemple pour faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est une condition. Donc, il dit وَشَرْتُ الصَّلَاةِ ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان وللصلاة شروط لا تصح إلا بها وإذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة ومنها. C'est-à-dire la validité de la prière s'arrête au fait que cette chose-là soit présente, soit que ces choses-là, ces conditions-là soient présentes. Si ces choses-là ne sont pas présentes, comme ces conditions-là ne sont pas présentes, alors la prière ne sera pas valable. Ou si elles sont absentes, ou si certaines d'entre elles sont absentes, alors la prière ne sera pas valable. Et parmi ces conditions-là, le cheikh il mentionne quelques-unes et il donne plusieurs explications détaillées maintenant. Donc il dit al-ashartu al-awwal dukhul waqtiha. Donc la première condition pour que la salat soit valable, c'est que le temps de la prière soit entré. D'accord? Et il donne des preuves de ça. Il dit, قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. le verset 103 dans Surat al-Nisa qu'on a mentionné hier dans le Dars, c'est-à-dire la prière est prescrite pour les mu'minines dans des temps spécifiques, hein? C'est-à-dire qu'elle a été ordonnée de l'appliquer, comme il dit, ay mafroudan fi awqatin muhaddada wa tawqitin wa at-tawqit wa at-tahdid. وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. Que la prière a été ordonnée dans des temps spécifiques les temps spécifiques c'est des limites que Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour que les prières soient établies entre ces limites-là. Et le cheikh il dit que donc chaque prière a son temps spécifique et les musulmans, les ulama parmi les musulmans sont tous d'accord que les cinq prières dans l'islam ont des temps spécifiques et on ne peut pas les faire avant ces temps-là. Et le cheikh il dit « وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لا تصح إلا به » Donc Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour la salat un temps spécifique comme condition et la prière ne peut pas être valable sans que cette condition là soit respectée et que la prière soit faite dans son temps. Donc le cheikh dit fas-salatu tajibu bi dukhuli waqtiha liqawlihi ta'ala aqimis salata liduluki ash-shams. Donc il dit que la prière est obligatoire alors au moment de l'entrée de son temps à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit établit la salat au déclin du soleil. Ça c'est dans le verset 78 dans sourate al-Isra. Et le cheikh il dit que les ulama sont tous d'accord pour expliquer وقد اجمع العلماء على فضيلة الاتيان بالصلاة في اول وقتها في الجملة لهذه الآية لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. Donc le cheikh dit que les ulama sont d'accord pour dire que c'est quelque chose de méritoire du fait de faire la prière au début de son temps en général. Et il se base sur plusieurs versets, comme par exemple le verset dans Surat al-Baqara, le verset 148, qui dit فاستبقوا الخيرات, c'est-à-dire faites la compétition ou la course vers les bonnes œuvres entre vous. Ok. Et dans un autre verset qui dit وقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم, c'est-à-dire précipitez-vous et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Verset 133 dans Surat Ali Imran. Et il dit وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. Le verset 10 et 11 dans Surat Al-Waqi'a. Et ça dit les précédents, ceux qui ont précédé, ceux-là seront ceux qui seront rapprochés. Donc ça veut dire que le fait d'avoir précédé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait en sorte que on est parmi ceux qui seront rapprochés au jugement dernier, on sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il mentionne une autre preuve de ça dans un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit annahu sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha. Donc dans ce hadith on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle des actions est plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est la prière au début de son temps, dans son temps, yani dans son temps, mais ça implique également au début de son temps. Et le cheikh il dit wa qala ta'ala hafizu ala salawat min al-muhafazati 'alayha al-i'tiyan biha awwal waqtiha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit et préserver ou garder de façon précise yani les prières, faites-les dans leur temps et gardez-les comme il faut. Et ça c'est dans le verset 238 sourate al-Baqara. Et le cheikh il dit que du fait de les préserver et de les faire à temps, ça signifie que tu les fais au début de leur temps. Hein? Et c'est toujours plus facile de préserver ou de garder nos prières et de toujours les faire comme il faut lorsqu'on commence à les faire tout de suite lorsque le temps est entré. Parce que si on les laisse, si on laisse le temps passer, puis on ne la fait pas tout de suite lorsque le temps rentre, eh bien, c'est très facile par la suite. On ne sait jamais ce qui peut arriver, puis on la manque, ou bien elle sort de son temps, ou des choses comme ça. Donc, lorsqu'on la fait au début de son temps, c'est toujours plus préférable, yani. Et le cheikh, il dit, « وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتِ خَمْسٌ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ لِكُلِّ صَلَاتٍ مِنْهَا وَقْتٌ مُنَاسِبٌ اِخْتَارَهُ اللَّهُ لَهَا يَتَنَاسَبُ مَعَ أَحْوَالِ الْعِبَادِ بِحَيْثُ يُؤَدُّونَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات فلا يبقى من درنه شيء. Donc le cheikh il dit que ces cinq prières qui ont été prescrites dans le jour et dans la nuit, chacune de ces prières-là a un temps spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a choisi, yani, pour cette prière. Et ces temps-là correspondent, disons, aux situations des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que ils établissent ces prières-là dans leur temps, c'est-à-dire que c'est dans ces temps-là, ça les dérange pas ou ça les empêche pas, disons, de faire leurs autres occupations de la vie, et au contraire même ça les aide même à accomplir les autres tâches qu'ils ont à accomplir durant la journée, et ça pardonne et ça efface leurs péchés qu'ils ont fait entre chacune de leurs prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une ressemblance entre le fait de faire nos cinq prières par jour et le fait de quelqu'un par exemple qui habiterait devant un ruisseau qui coule devant lui, et il se lave dans ce ruisseau cinq fois par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé la question aux sahaba, est-ce que si c'est une personne dont son cas c'est qu'il va dans ce ruisseau cinq fois par jour pour se nettoyer et pour se laver de toute saleté, s'il fait ça cinq fois par jour, est-ce que vous pensez qu'il va rester de la saleté sur lui? Hein? Donc en voulant dire, quand tu pries, c'est comme si tu te purifies, tu te nettoies cinq fois par jour, la même chose. Donc c'est quelque chose qui est une bonne comparaison pour nous faire comprendre la valeur de cette salat. Et le cheikh il rapporte que ce hadith là au sujet du ruisseau ou de la rivière qui coulerait devant la maison de quelqu'un, et qui compare ça avec la salat qu'on fait cinq fois par jour, c'est un hadith rapporté par Abi Huraira dans Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le cheikh il explique et il dit وَهَذِهِ الْمَوَاقِيدِ كَمَا يَلِي. Donc là, il commence à expliquer maintenant en détail chaque prière, c'est quoi son temps. Il dit صَلَاتُ الظُّهْرِ يَبْدَأُ وَقْتُهَا بِزَوَالِ الشَّمْسِ أي مَيْلِهَا إِلَى الْمَغْرِبِ عَنْ خَبْطِ الْمُسَامَةَ. Donc, le temps de Zohr, de la prière de Zohr, il commence à partir du moment où le soleil commence à quitter son zénith et à pencher un peu vers l'ouest. Donc, du moment où le soleil a atteint son zénith, c'est-à-dire le plus haut point dans le ciel, le moment où personne n'a une ombre, hein, c'est-à-dire il n'y a rien qui a d'ombre parce que le soleil est directement au-dessus de ta tête. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où le soleil commence à dépasser ce moment-là, hein, et qu'il commence à descendre vers l'ouest, et bien dans ce cas-là, c'est là que entre le temps de la prière de Dhuhr. Hein? Et le cheikh, il dit Wahuwa Duluk. Hein? C'est-à-dire là, le soleil commence à pencher et à descendre de plus en plus vers l'horizon. Hein? À partir du zénith, il descend vers l'horizon. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Ad-Duluk. C'est-à-dire le déclin. Le soleil commence à décliner. Et c'est ça ce qui est mentionné dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, « Aqimis salata li duluki shams » établissez la prière lors du déclin de la, du soleil. Et ça c'est dans Surat al-Isra, le verset 78. Le Cheikh dit: ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب الشرق في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب ويمتد وقت الظهر الى ان يصير الظل الى ان يصل ظل الشيء مثله في الطول. Donc le Cheikh l'explique, il dit que on peut savoir que le zénith, que le soleil a passé son zénith, parce que lorsque, avant le zénith, avant que le soleil soit à son plus haut point dans le ciel, on voit que son ombre est penchée vers l'est. Puis, là, le soleil arrive au zénith, et là, il n'y a plus d'ombre. Et là, il commence à dépasser le zénith, et là, on voit un ombre qui commence à se créer vers l'ouest, ou du côté ouest, disons. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de Zohr est commencé. Et il continue ce temps jusqu'à ce que l'ombre d'une chose devienne de la même longueur que sa hauteur. Donc, si par exemple tu veux savoir quand est-ce que, jusqu'à quand, ou quand est-ce que le temps de la prière de Zohr est terminé, eh ben, tu regardes ton ombre par terre, et si tu connais ta grandeur, tu dis bon, lorsque ton ombre atteint la même hauteur que toi, alors ça veut dire que le temps de la prière de Zohr arrive à sa fin et le temps de Asr commence. Et le Cheikh, il mentionne, il dit: ثُمَّ يَنْتَهِي بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Donc, l'imam Muslim a rapporté ce hadith par lequel le cheikh il utilise ce hadith comme preuve, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le temps de la prière de Dhuhr commence lorsque le soleil atteint son zénith dans le ciel, et puis il continue jusqu'à ce que l'ombre d'une personne soit égale à sa hauteur. D'accord? Donc lorsque le soleil a atteint lorsque ton ombre a atteint ta hauteur, la même hauteur que toi, alors là c'est la fin du temps de cette prière là et c'est rapporté par l'imam Muslim. Et le cheikh il dit: وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَّا فِي شِدَّةِ الْحَرْ فَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ يَنْكَسِرَ الْحَرْ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. Donc le cheikh il dit que c'est recommandé de faire la prière toujours au début de son temps, comme on a dit tout à l'heure, excepté par exemple s'il y a des chaleurs vraiment ardentes, hein, particulièrement en Arabie Saoudite l'été, lorsque c'est l'été, alors dans ce cas-là des fois on voit que la chaleur est très très intense. Et donc le cheikh il dit c'est préférable dans ce cas-là d'essayer de retarder un peu la prière pour que s'atténue un peu la chaleur ardente du midi. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, et ça dit: et lorsque la chaleur est très dure, hein, très ardente, alors là yani essayez de vous rafraîchir par la salat, dans le sens que vous la retardez un petit peu jusqu'à ce que la chaleur diminue un peu après que le soleil a commencé à passer le zénith. Après quelque temps, la chaleur est moins intense. Alors là, c'est mieux parce que il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'intensité de la chaleur à ce moment-là, c'est un souffle de l'enfer. Ensuite, le cheikh il dit salatul asr. Ensuite, maintenant, le temps de la prière de l'asr. Le cheikh il dit yabda'u waqtuha min nihayati waqti adh-dhuhri ay min masir dhil shay' mithlihi wa yamtaddu ila sfirar ash-shams 'ala as-sahih min qawli al-ulama. Donc le cheikh il dit que la prière de l'asr, elle commence, son temps commence à la fin du temps de la prière de Zohr. C'est-à-dire lorsque l'ombre d'une chose devient la même longueur que cette chose elle-même. Et elle continue, c'est-à-dire le temps de cette prière continue jusqu'à jusqu'à ce que le soleil commence à devenir orange, ok, et jaune, c'est-à-dire et ça, il dit, ça c'est l'opinion la plus correcte parmi les positions des ulama. Et donc il y a au sujet de la prière de l'Asr, c'est une prière qui est il faut la faire le plus tôt possible parce que son temps est court. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Al-Wusta, hein, c'est la prière de Al-Wusta. Et Allah il dit dans le Coran, Hafizu ala salawat wa ala salat al-Wusta, c'est-à-dire préserver les prières et la prière du milieu, et c'est-à-dire la prière de Salat al-Asr, comme c'est expliqué dans plusieurs hadiths. Et ça c'est le verset dans Surat al-Baqarah 238. Et yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a manqué là, qui laisse sortir le temps de la prière de Al-Asr, et ben c'est comme si toutes ses actions qu'il a fait sont annulées ou quelque chose comme ça. Donc dans ce sens là c'est une prière qu'il faut, il ne faut pas la négliger. Donc elle a une grande importance dans la journée. Et le cheikh il dit que donc il faut la prier avant que le soleil commence à devenir jaune. Isfirar al-shams yamtaddu ila isfirar al-shams. Donc il faut, il dit ça c'est la position des ulama qui est la plus correcte à ce sujet-là. Sinon, de retarder le temps de retarder la prière jusqu'au coucher, jusqu'à avant le coucher de soleil, ça c'est quelque chose de vraiment détestable. Yani. Après le cheikh il dit والصلاه المغرب يبدا وقتها بغروب الشمس. Al maghrib, son temps commence avec le coucher du soleil, et il explique, il dit وغروب الشمس غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل ويعرف غروب الشمس ايضا باقبال ظلم الليل ظلمة الليل من المشرق. Donc le cheikh il explique, il dit que la prière de Maghreb, elle commence lorsque le soleil se couche. Et quand, qu'est-ce que ça veut dire quand le soleil se couche? Ça veut dire que le disque du soleil dépasse complètement l'horizon, au complet. Et donc ça veut dire qu'on n'est plus capable de rien voir du soleil, du disque solaire, rien du tout, ni d'une plaine, ni à partir d'une montagne. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus voir rien du tout. Et le cheikh il dit, ويعرف غروب الشمس ايضا باقبال ظلمه الليل. On peut également connaître le coucher de soleil également par le fait que on voit à l'est la noirceur de la nuit qui commence. OK, donc là on peut savoir que le soleil s'est couché. Et le cheikh il mentionne comme preuve de ça, il dit لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. C'est rapporté par Omar ibn al-Khattab, selon Omar ibn al-Khattab par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est-à-dire lorsque vous voyez que la nuit arrive par là-bas et que le jour s'en va par là-bas, donc ça veut dire que le jeûneur a brisé son jeûne. D'accord? Et ça c'est une des preuves. Après le cheikh il dit ثم يمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر والشفق بياض تخالطه حمرة وقد تذهب وتذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit que le temps de la prière de Maghreb, elle continue jusqu'à ce que la lueur de l'horizon disparaisse complètement. Okay? Au début, il y a une petite lueur qui est rouge, hein? Il y a une lueur qui est rouge qui est mélangée avec du blanc. Et lorsque la lueur rouge s'en va, il reste une petite lueur blanche également, jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Et donc, il dit que on doit prendre comme référence la lueur blanche, pour savoir que la lueur rouge est partie. Donc c'est ça ce que ça signifie. Et donc le temps de la prière de Maghreb, il continue jusqu'à ce que la nuit soit arrivée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lueur blanche à l'horizon. D'accord? Et ensuite le cheikh dit وَيَسُنُّ وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. C'est recommandé, c'est une sunna de faire la prière de Maghrib au début de son temps. لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارى بالحجاب. Il dit que dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui a été authentifié par lui selon Salama, que le prophète صلى الله عليه وسلم priait al-Maghrib lorsque le soleil se couchait et qu'il s'était caché derrière l'horizon. Donc ça c'est l'explication, et ça c'est un hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. Ah non, oui, Al-Bukhari et Muslim, et il est rapporté également par l'imam al-Tirmidhi également. Donc le cheikh il dit par la suite, قال وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين. Et l'imam al-Tirmidhi, qu'est-ce qu'il a dit après, à la suite de ce hadith? Il a dit, c'est la position de la plupart des ulama parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis, parmi les tabi'in. D'accord? Ensuite, il explique la prière de Isha et son temps. Il dit, salatul Isha yabda waqtuha bi intihai waqt al-maghrib, ay bi maghrib al-shafaq al-ahmar wa yamtaddu ila tulu' al-fajr al-thani. Il dit que la prière de l'Isha, elle termine le temps de la prière de Maghrib, c'est-à-dire que la lueur de l'horizon est disparue. Et elle continue jusqu'à la deuxième levée de l'aube. C'est-à-dire parce qu'il y a deux aubes, ou deux toulou al-fajr. يا الفجر الصادق الفجر الكاذب والفجر الصادق. Si je me souviens bien, الفجر الكاذب, la fausse aube, c'est celle qui émet des lueurs verticales dans le ciel. C'est comme des lueurs verticales à l'horizon dans le ciel. Et il y a, non, ça c'est, oui, ça c'est le Fajr al-Sadiq, si je me trompe. Peut-être c'est le contraire. Le Fajr al-Kadhib. Oui, non, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit en premier? C'est ça, je crois. C'est lorsque tu vois des lueurs verticales à l'horizon, dans le désert, bien entendu, dans la ville, on le voit pas. Arrivé à ce moment-là, tu vois des lueurs verticales à l'horizon. Et là ça c'est la fausse aube. Ensuite, plus tard, tu vois l'apparition d'une ligne de démarcation blanche à l'horizon, hein, comme une sorte de clarté blanche à l'horizon, et c'est ce qu'on appelle le khayt al-abyad, hein, la ligne blanche qui apparaît à l'horizon, et c'est là que commence l'aube. Wallahu a'lam, si je me souviens bien, parce que je crois que c'était ça l'explication. Donc, jusqu'à cette deuxième aube-là, c'est-à-dire à partir du moment où tu dois commencer à jeûner, si tu jeûnes, c'est à partir de ce moment-là que, c'est jusqu'à ce moment-là que termine le temps de la prière de Isha, d'après ce que le cheikh est en train d'expliquer. Sinon, bon, il y a différences d'opinion. Il y a des ulama qui disent que c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Mais le cheikh, lui, il détaille encore plus, et il explique et il dit وينقسم الى قسمين وقت اختيار وقت وقت وقت اختيار يمتد الى ثلث الليل والوقت اضطرار من ثلث الليل الى طلوع الفجر الثاني. Donc il dit que ça se divise, le temps de la prière de l'Isha, il est divisé en deux catégories. C'est un temps qui est permis, hein, tant qu'il est permis qui est recommandé, tant qu'il est recommandé que tu le fais, que tu as le choix de le faire dans ce temps-là quand tu veux. Et ça continue jusqu'au tiers de la nuit. Et ensuite il y a un temps qui est un temps, disons, de nécessité, il faut le faire. Quand t'as retardé jusqu'à ce moment-là, donc là ça veut dire que ça devient nécessaire de faire ta prière le plus vite possible. Et donc à ce moment-là, ça c'est à partir du tiers de la nuit, c'est à partir du tiers de la nuit jusqu'au lever de l'aube, le deuxième qu'on a parlé tout à l'heure. Et Ouais, donc c'est ça. C'est mieux de toujours faire la prière le plus tôt possible, Salatul Isha. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh il dit, il retardait des fois la prière de l'Isha jusqu'à très tard. Mais pas la laisser trop tard après le troisième tiers de la nuit. Après le tiers de la nuit, ça commence à être un peu trop tard. Maintenant, il faut faire ça le plus avant ça. Le cheikh dit: وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار, c'est-à-dire إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. C'est-à-dire, si tu es capable de retarder la prière et de le faire dans le temps, comme par exemple vers le tiers de la nuit, eh bien c'est préférable si c'est possible pour toi, si c'est facile pour toi, si c'est pas trop compliqué ou difficile. Parce que fa in shaqqa 'ala al-ma'mumin, hein, si c'est trop dur pour les gens, par exemple parmi les gens qui vont venir prier à la mosquée derrière toi, donc dans ce cas-là, si ça c'est dans le cas où par exemple t'es imam, par exemple dans ce cas-là, yani, si tu vas retarder la prière jusqu'à ce temps-là et que tu crains que ça va être trop difficile pour les gens, alors c'est préférable de la faire plus tôt, comme il dit le cheikh. فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. Donc pour éviter trop de difficultés pour les gens, de la faire le plus tôt possible, inshallah. Après le cheikh dit: ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته ويكره الحديث بعدها وهو التحدث مع الناس لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم بآخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. Donc le cheikh il explique que c'est très déconseillé, c'est très mauvais de dormir avant la prière de Isha, parce que si tu dors avant la prière de Isha, tu risques de manquer la prière. Et deuxièmement, le cheikh il dit c'est très déconseillé également, c'est très mauvais de c'est détestable, makruh comme le cheikh il dit, de parler après la prière de Isha, parce que lorsque les gens commencent à parler après la prière d'Isha, eh bien, ça les empêche de s'en aller dormir, hein, et ça les empêche de se lever très tôt. Donc, le cheikh il dit que c'est préférable, et il faut que les personnes dorment après la prière de, il faut que les gens dorment après la prière d'Isha directement, et il faut pas que yani, les gens restent à parler trop longtemps pour qu'ils soient capables de se lever avant la fin de la nuit pour faire des prières de nuit et pour prier le Fajr en bonne forme. Hein. Ils vont être, quand on a bien dormi, on a de l'énergie pour prier la prière de Fajr. Donc c'est très important de respecter ça. Et ça c'est quelque chose dans notre époque actuelle qu'on a vraiment de la difficulté à respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de moyens de rester debout, hein, de rester debout à l'époque qu'on est. Parce qu'il y a toujours de la lumière dehors, il y a des éclairages et tout, donc avec l'électricité et tout ça, c'est facile pour les gens de rester debout. Puis malheureusement, Allah al-Musta'an, il y en a qui vont passer leur temps devant la télévision le soir tard, et donc Allah al-Musta'an, yani. C'est une fitna, disons. Et là, lorsque l'heure de la prière de Fajr arrive, eh ben, subhanallah, peut-être qu'ils vont même pas se lever pour la prière. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dormir le plus tôt possible et de ne pas rester pour parler pour rien, perdre notre temps. Et yani, sauf si c'est une discussion ou parler pour quelque chose qui a rapport avec quelque chose de vraiment important ou nécessaire. Sinon, le mieux, c'est d'aller dormir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière d'Isha, il rentrait à la maison, il s'occupait de sa femme, hein, et puis il parlait un peu avec elle et tout, et puis après, il dormait tout de suite. Il ne perdait pas son temps. Donc, c'est ça. Après le cheikh dit: وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة. Il dit ça c'est si tu restes debout après l'Isha sans aucune sans aucun bienfait, sans aucun avantage. C'est-à-dire, tu fais ça juste pour perdre ton temps. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait dormir avant la prière de Isha, et il détestait parler, il détestait de rester à parler après. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est selon Abi Barza. Et le cheikh il dit également: Amma idha kana li gharadin sahihin wa hajatin mufidatin falabas. Mais si c'était pour une bonne raison, par exemple, que quelqu'un reste pour parler pour une bonne raison, quelque chose d'utile, alors là il n'y a pas de problème. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite maintenant: Salatul Fajr. يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس فيستحب ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. Le cheikh il dit que c'est le temps de la prière de Fajr, il commence avec la levée de l'aube, le deuxième aube dont on a parlé tout à l'heure, et il continue jusqu'au lever du soleil. Et donc le cheikh il dit que c'est recommandé de la faire le plus tôt possible lorsque c'est possible, parce qu'il y a des gens qui retardent la prière de Al-Asr et qui retardent la prière de Al-Fajr. Ça c'est deux prières dans le mazhab al-Hanafi, eux ils retardent ces deux prières là, hein, et ça c'est contraire à la sunna. Donc si vous connaissez des fois certains qui sont familiers avec Jama'at al-Tablir, vous voyez dans leur mosquée, souvent ils retardent la prière. La prière de l'Asr, ils la font vraiment très tard, et la prière de Fajr, ils la font presque lorsque le ciel commence à s'éclaircir. Donc, c'est quelque chose de contraire à la sunna. Ensuite, le cheikh il dit: Fahad, wahadihi al-mawaqit, mawaqit al-salah. الخمس هذه مواقيت الصلاة الخمس الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عنه فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il dit que ici il dit que ces prières là, ces cinq prières, Allah les a rendues obligatoires, et donc il faut respecter ces cinq prières là dans leur temps, et donc tu dois te limiter à ça. Et il dit que donc tu dois pas prier une prière avant qu'elle soit commencée dans son temps, et tu dois pas non plus la retarder et la faire sortir non plus de son temps. Et il mentionne un verset dans sourate Al-Ma'un, le verset 4 et 5, qui dit: et malheur à celui qui fait la salat et qui est négligent dans sa prière. Et le cheikh il explique que c'est-à-dire alladhina hum an salatihim sahun, c'est-à-dire ceux qui retardent la prière de son temps. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, dans surat Maryam, le verset 59 et 60, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. C'est-à-dire, et après eux, hein, il y a eu une autre génération qui ont gaspillé leur prière, ou bien qui ont perdu leur prière, mais qui n'ont pas respecté comme il faut leur prière, et ils ont suivi leur shahawat, c'est-à-dire ils ont suivi leur passion et leur désir, et ils vont se retrouver en perdition, hein, excepté ceux qui se sont repentis. Donc le cheikh il dit par la suite: وَمَعْنَا أَضَاعُوهَا أَيْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا. Qu'est-ce que ça veut dire أَضَاعُوهَا? Yani, quand Allah dit Adha'u Salah, ça veut dire qu'ils l'ont retardé et ils l'ont fait sortir de son temps. Et celui qui retarde, le cheikh dit: فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماها الله ساهيا عنها ومضيعا لها وتوعده بالويل والغي وهو واد في جهنم أو نسيها أو نام عنها تجب عليه المبادرة إلى قضائها. Le Cheikh il dit que de gaspiller la prière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la retarder de son temps. Et donc celui qui retarde la prière de son temps, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé par différents noms, comme dans ces versets qu'on a mentionnés. Allah les appelle, l'appelle sahi, hein, une personne qui est sahi ou mudayya, c'est-à-dire qu'il gaspille ou bien qu'il néglige sa prière, il est insouciant dans sa prière. Et il a promis à la personne qui avait ça, qui négligeait ses prières et qui retardait ses prières, qu'il aura en punition al-wayl et al-ray. Et ce sont et al-ray, c'est une vallée dans l'enfer. D'accord. Donc tout ça, c'est pour la personne qui a négligé, qui a retardé la prière. Tandis que celui qui l'a oublié ou qui a dormi lorsque c'était l'heure de la prière, eh bien c'est obligatoire pour lui de se précipiter pour la faire le plus vite possible. Le cheikh il mentionne une preuve, il dit sallallahu alayhi wa sallam, من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إن ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لا كفارة لها إلا ذلك. C'est-à-dire celui qui a oublié une prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a oublié une prière ou bien qui a dormi, hein, qui a dormi lors de cette prière là, alors qu'il l'a pris, lorsqu'il se réveille, et il n'y a pas d'autre expiation pour ça que de la faire lorsqu'il se réveille. D'accord. Et ensuite le cheikh il dit فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي بل يصليها في الحال. Le cheikh il dit donc c'est obligatoire de se précipiter pour faire la prière qu'on a manqué tout de suite, le plus vite possible. Et on ne doit pas attendre donc l'entrée d'une autre prière qui ressemble à cette prière qu'on a manquée. Par exemple, certaines personnes, comme le cheikh dit, parmi les musulmans qui n'ont pas étudié l'islam, ils s'imaginent que, par exemple, s'ils ont retardé une prière, comme par exemple ils ont dormi alors que c'était la prière de Maghreb ou bien la prière de Dhuhr, ils doivent attendre pour la refaire à la même période de la journée d'après. Comme si quand la même prière va revenir encore une fois, il va faire les deux en même temps. Et il dit, le cher, que ça, c'est pas correct. Il faut pas la retarder. Il faut la faire aussitôt que tu t'en souviens et aussitôt que tu te réveilles. Le cher, ensuite, il explique maintenant une autre condition de la prière, qui est le fait de cacher ses parties, hein, cacher ses parties et son corps, cacher sa nudité. Et le cheikh donc il dit الشرط الثاني ستر العورة, c'est-à-dire de cacher les endroits ou les parties de notre corps qui sont obligatoires d'être cachés. Donc le cheikh il dit ومن شروط الصلاة ستر العورة وهي ما يجب تغطيته ويقبح أو يقبح ظهوره ويستحيا منه قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف. Et après il dit عند كل صلاة. Donc le cheikh il explique, il dit que parmi les conditions de la prière, comme on a dit maintenant qu'il faut que, on a dit tout à l'heure qu'il faut que le temps de la prière soit commencé, maintenant que on a su ça, il faut aussi savoir que comme condition de la prière, il faut que tu aies couvert les parties de ton corps qui sont obligatoires à couvrir. Et donc ça, ce sont les parties qu'il ne faut pas montrer et qu'on est gêné de montrer, ou bien qui sont c'est quelque chose de laid de les montrer, dans le sens que c'est quelque chose qui se fait pas. Et le cheikh dit قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Et ça c'est un verset dans Surat Al-A'raf, le verset 31, qui dit ô fils d'Adam, prenez toutes vos parures lorsque vous allez faire la salat. D'accord, il faut porter nos parures. C'est c'est-à-dire nos beaux vêtements, nos plus beaux vêtements. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي وحسنه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah n'acceptait pas la prière d'une femme ou d'une personne qui a atteint la puberté, except, c'est, là, dans ce hadith là c'est une femme. Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui a atteint la puberté, c'est-à-dire elle a ses règles, excepté avec un khimar. C'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, il l'a déclaré Hassan. Donc c'est un bon hadith. Le cheikh il dit qu'il est rapporté selon Aïcha, et il est également rapporté selon Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, comme on a dit. Et donc la femme qui a atteint la puberté, elle peut plus prier, elle peut pas prier sans avoir sur elle une robe et un khimar. Et le cheikh il dit وقال ابن عبد البر اجمع على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح لحديث معاوية ابن جدة القريشي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. للشيخ الذي il mentionne les paroles de l'imam Ibn Abdul Barr, hein, rahimahullah, il dit, les savants se sont mis d'accord que la prière d'une personne qui prie sans vêtements ou qui n'est pas couvert, alors qu'elle est capable de le faire, eh bien, que sa prière elle n'est pas valable. Et le cheikh il dit donc qu'il n'y a pas de désaccord au sujet de l'obligation de couvrir l'aura, hein, et surtout lorsqu'il y a des gens. Il faut couvrir les parties qui sont nécessaires à couvrir, mais surtout lorsqu'il y a des gens. Et même, le cheikh dit, et même quand on est toute seule, selon l'opinion qui est correcte. C'est-à-dire, il faut pas, le cheikh dit, selon la bonne opinion aussi, il ne faut pas rester nu, même quand on est tout seul. Et il dit, la preuve de ça, c'est un hadith qui est rapporté selon Muawiyah ibn Hayda al-Qurashi, al-Qurayshi. Na'am, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah, et à la base il est mentionné dans Al-Bukhari comme un ta'liq, comme une note mentionnée par et rapportée par l'imam Al-Bukhari, et il l'a rapporté en mentionnant yani, donc il est authentique, il est mentionné en disant qu'il est majzoum bihi. Donc, c'est-à-dire qu'il est authentique, inshallah. Et le cheikh, il dit, pardon, il dit que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, garde ou préserve tes parties génitales, ou bien qu'est-ce que tu dois couvrir, excepté de ta femme et de tes esclaves, ou les femmes que tu possèdes parmi les servantes et les esclaves. Et le cheikh il dit قلت pardon le sahabi il a dit قلت إذا كان القوم بعضهم في بعض, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce que je fais si tout le monde est ensemble et tout le monde est mélangé, yani. Le cheikh il dit إن استطعت أن لا يرين أحد فلا أن لا يرينها أحد فلا يرينها. Il dit si tu es capable de faire en sorte que personne ne voit ta nudité, alors fais en sorte que personne ne la voit. Après il a dit فقال قلت فإذا كان أحد خاليا, dit si quelqu'un est tout seul, il n'y a personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu الله أحق أن يستحيا منه من الناس, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit Allah mérite plus qu'on soit gêné de lui qu'on soit gêné des autres personnes. Donc ça veut dire que il faut, même quand on est seul, faire preuve de gêne et de timidité, et non pas rester yani, sans se couvrir notre nudité inutilement. Donc le cheikh dit وسمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a appelé le fait de ne pas cacher ses parties génitales et ne pas se couvrir le corps, il a appelé ça comme étant une fahisha, c'est-à-dire quelque chose, une turpitude, un grand péché. Ok, et il a dit wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. Donc le cheikh il dit, et lorsque il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-A'raf le verset 28, et lorsqu'ils font une fahisha, hein, une turpitude, comme par exemple Allah il a appelé le fait de ne pas couvrir nos parties génitales yani, ou notre corps, il a appelé ça fahisha. Donc ça veut dire lorsqu'ils font cette fahisha, ils disent on a trouvé que nos pères faisaient ça, c'est-à-dire ils marchaient nus ou bien à moitié nus, et ils disent que Allah leur a ordonné de faire ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il répond, dit, est-ce que Allah dit, Allah n'ordonne pas ou ne commande pas de faire al-fahsha, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas les turpitudes, et il n'a jamais commandé aux gens de faire des turpitudes de ce genre ou de marcher nu, hein. Et le cheikh il dit par la suite وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا, il dit وَكَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ. Les mouchékounes de Quraysh, ils faisaient le tawaf sans vêtements, les hommes et les femmes, et ils s'imaginaient que de faire ça comme ça nu, eh ben c'est s'imaginaient que ça faisait partie de la religion. Et donc il dit فَكَشْفُ الْعَوْرَةِ وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا يَجُرُّ إِلَى شَرٍ خَطِيرٍ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْوُقُوعِ فِي الْفَاحِشَةِ وهدم الأخلاق كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقها فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيحة وعدمت فيها الفضيلة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il est en train d'expliquer que le fait de dévoiler ou de montrer ou d'exposer ou d'exhiber les parties de notre corps qu'on doit couvrir, hein, c'est-à-dire l'aura, le fait de montrer ça, ça amène à beaucoup de mal et c'est très dangereux. Et c'est une chose qui est un moyen vers les turpitudes et les péchés, hein, comme le zina et les autres mauvais comportements. Et donc, il dit que ça, on peut en être témoin dans les sociétés qui sont, les sociétés qui rendent tout halal, yani, et qui permettent tout, hein, tous les crimes, tous les péchés, tous les turpitudes sont rendus acceptés pour eux, et c'est socialement accepté de les faire. Donc ça, dans ces sociétés-là, on voit que la noblesse et l'honneur ont été complètement détruites et perdues, et le bon comportement n'existe plus. D'accord? C'est des sociétés qui ont toutes perdu les valeurs humaines qui sont importantes à l'humanité de préserver. Et c'est uniquement les musulmans qui ont préservé ces caractéristiques-là. Hein? Donc on voit que dans ces sociétés-là, comme dans les sociétés par exemple ici, dans les sociétés occidentales, on voit que les valeurs morales et toutes ces choses-là sont en voie d'extinction. Yani. Et le shaykh dit « فَسَتْرُ الْعَوْرَةِ إِبْقَاءٌ عَلَى الْفَضِيلَ وَالْأَخْلَاقِ وَلِهَذَا يَحْرِسُ الشَّيْطَانِ عَلَى إِغْرَاءِ بَنِي آدَمْ بِكَشْفِ عَوْرَاتِهِمْ وقد حذرنا الله منه في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. نعم. Donc le cheikh il dit que le fait de couvrir nos parties génitales, et qu'est-ce qu'on doit couvrir, et de yani, il dit de faire ça, ça veut dire qu'on est resté sur les bonnes valeurs et le bon comportement et le mérite, le bon mérite, et le shaitan, c'est pour cette raison-là que le shaitan, lui, il fait beaucoup d'efforts, hein, il désire ardemment nous voir dévier et nous voir nous dénuder et montrer notre nudité aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre ça et il a dit, ô fils d'Adam, ne laissez pas le shaitan vous tester et vous mettre à l'épreuve, comme il a fait sortir vos parents du paradis en leur enlevant leur nudité, hein, pour leur faire voir leur nudité. Donc les cheikhs, ils disent ça. Et en fait, il y a eu dans le tafsir de Ibn Kathir que Adam et Ève, ils avaient sur leur partie comme un voile de lumière. Et par la suite, ils ont eu des vêtements de lumière, si je ne me trompe pas, Yanni. Et lorsqu'ils ont fait le péché, ces vêtements sont tombés, ou cette couverture qui les couvrait sont tombés. Alors ils ont vu leur nudité, et c'est là qu'ils ont eu honte et qu'ils se sont cachés. Donc, wallahu a'lam, Yanni. Après, le cheikh, il dit, فَكَشْفُ الْعَوْرَاتِ مَكِيدَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا فتكونت نوادي العراة وتفشى السفور في النساء وعرضت أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. Donc ça c'est une description de la part du cheikh de qu'est-ce qui se produit actuellement dans les sociétés des koufars. Il dit que le fait que les gens sont maintenant dévoilé leur nudité, ça fait partie des ruses du shaitan, et ça c'est arrivé dans plusieurs sociétés humaines aujourd'hui, où on voit que ces gens-là essaient de faire croire aux gens que de se dénuder et d'exhiber nos atouts ou notre corps, ce soit le corps de l'homme ou de la femme, hein, que ça fait partie de l'évolution et ça fait partie de l'art, hein, on voit dans leurs peintures et dans leurs statues et tout ça, toujours des nudités. Et pour eux, même ça fait partie de l'art, de faire de l'art des êtres humains qui sont nus. Et même dans les images et tout ça, on voit toujours de la nudité dans leurs images. Et ils croient que ça, c'est des choses de bien. Alors que ça vient du shaitan. C'est le diable qui les a trompés à croire que ces choses-là, c'est bien. Et le cheikh, il dit, et même certains d'entre eux, ils vont appeler ça comme étant le fait d'être évolué et de faire de la, d'être artistique et des choses de ce genre, alors que ça n'a rien à voir. Et le cheikh, il dit donc, il y a eu même la création dans certaines sociétés, il y a eu la création de clubs de nudistes, des clubs de nudistes ou des camps de nudistes, c'est-à-dire des gens, ils se réunissent et quand ils rentrent dans ces endroits-là, ils enlèvent tous leurs vêtements, hein, ils enlèvent tous leurs vêtements. Et ça, c'est de la stupidité, yani, de la part de ces êtres-là, yani, comment ils peuvent vivre de cette façon, yani, hein. Allah, il a voulu qu'on ait des vêtements, c'est pour nous protéger, en même temps de toutes sortes d'intempéries et des problèmes de la température. Également pour nous protéger notre corps, parce qu'on peut se faire mal facilement si on n'a pas de vêtements. Et également pour nous embellir, parce que c'est quelque chose qui embellit le fait de s'habiller et de porter des vêtements. Hein? Et donc souvent moi, quand j'entends parler de ces gens-là, Allah musta'an, moi et des frères, des fois on faisait souvent des blagues à ce sujet-là, yani, et on mentionnait que, yani, en tout cas, je n'ai même pas besoin de mentionner, mais c'est juste pour te faire comprendre que, yani, Allah il nous a créés pour qu'on se couvre et pour qu'on ait du respect et de l'honneur. Et ces gens-là, ils se disent toutes sortes de shubuhat, que c'est le shaitan qui leur souffle ces choses-là. Hein, ils croient qu'il n'y a pas de différence entre de montrer un doigt ou de montrer le nez ou de montrer une autre partie du corps, tout c'est pareil. Et en réalité, ils se disent, on est tous créés nus Et donc, pourquoi on ne peut pas rester comme quand on est créé? Et la réponse à ça, c'est très simple, c'est que quand on est né, on n'est pas conscient, justement, de notre nudité, parce qu'on est un enfant. Et aussitôt qu'on commence à devenir conscient de notre nudité, on devient gêné, et puis on veut se couvrir. Et donc, c'est quelque chose qui est clair. Donc, si quelqu'un perd sa conscience, hein, devient fou, alors on peut tout de suite comprendre qu'il doit se couvrir. Et si on compare ça, par exemple, certains d'entre eux vont mentionner comme des exemples des sociétés primitives, hein, où les gens vivent dans le shirk et l'ignorance, et donc ces gens-là, ils connaissent pas l'utilité des vêtements, donc ils vivent nus. Eh bien, ça, c'est bien entendu des sociétés, comme on a dit, qui sont des sociétés qui vivent dans l'ignorance, des peuples très primitifs, qui n'ont pas connu le tawhid, qui n'ont pas connu le message des messagers. Donc, on peut pas vouloir prendre ces peuples-là comme des modèles et des références à suivre. Mais étant donné que ces peuples-là, comme les peuples des Koufars, yani de l'Orient, de l'Occident, qui n'ont pas reçu, yani de la guidance, ils peuvent pas distinguer entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc ils s'égarent, yani, en voulant suivre toutes sortes de tendances, yani, qui courent comme ça à gauche et à droite. Et alhamdulillah, ala l'islam, que l'islam nous a donné le plus haut niveau de civilisation, yani. Et si on compare les civilisations, on voit que plus une société penche vers la civilisation et le bien, plus elle demande à ses gens de se couvrir. Et c'est pour ça qu'on trouve que dans la société islamique, il n'y a jamais eu une civilisation plus élevée que la civilisation de l'islam. Et dans les tenues vestimentaires, et dans l'habillement, et dans le respect du fait de couvrir nos parties et tout ça. Donc, alhamdulillah, yani, comme je disais tout à l'heure, et actuellement il y a une guerre contre le voile dans l'islam et contre les règles de morale de l'islam. Et ça, c'est juste un prétexte pour attaquer l'islam en entier, parce que, comme on dit, s'ils sont capables de rejeter le hijab, eh ben c'est juste une excuse pour pas rejeter tout l'islam en entier. C'est-à-dire que yani, s'ils peuvent rejeter le hijab, ils peuvent rejeter tout. Alors pourquoi pas faire une guerre contre la salat et commencer à vouloir arrêter la salat? Non. Le hijab, c'est un ordre d'Allah, comme la salat, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un rejette un, c'est comme s'il rejette l'autre. Donc, si quelqu'un croit en Allah, il doit accepter tous les ordres qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le cheikh, il dit donc que ces sociétés-là, aujourd'hui, qui sont tombées dans le nudisme, toutes ces histoires d'exhibition, puis tout ça, hein, ils appellent ça comme si c'était quelque chose d'évolution, alors qu'en réalité, c'est une perdition de leur part, c'est un égarement. Et donc, ces gens-là, ils vivent nus dans des camps-là, même il y a des plages, des fois même dans certains pays où ils vont et ils s'enlèvent leurs vêtements. Et il dit, le cheikh, même que dans leur société, tu vois que les femmes se dévoilent et ils montrent leur corps devant les hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'on est tous témoins de ça ici, dans ces sociétés-là, où les femmes marchent dans la rue à moitié nues, puis elles croient que c'est d'être évoluées et libres que de pouvoir faire ça. Yani. Et elles sont pas conscientes en réalité que c'est un plan de la part des ennemis de l'humanité, justement, et des ennemis des messagers d'Allah, qui veulent justement faire tomber les gens dans la perdition et dans l'égarement, et qui utilisent le corps de la femme comme un objet de tentation et de destruction pour justement détruire toute règle de morale et tout ce qui a rapport avec le bien dans la société, dans la famille. Hein? Ils veulent détruire la famille, détruire les rapports de respect entre les hommes et les femmes, détruire les limites qui existent dans les comportements moraux entre les êtres humains. Et donc, ils amènent les êtres humains à des niveaux de plus bas que les niveaux de bestialité qui sont connus entre les animaux, yani. Hein? Et ça, c'est très triste de voir ça et de voir qu'en même temps, ils sont même pas capables de réaliser le mal qu'ils sont en train de faire. Mais alhamdulillah, comme on voit que de plus en plus des koufars commencent à entrer dans l'islam et commencent à réaliser que les règles morales de l'islam sont en réalité basées sur les fondements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est la vérité, et c'est ce qui amène le respect et le bonheur. Donc, alhamdoulilah, yani, il y a de l'espoir quand même, il y a toujours du bien qui va arriver, peu importe. Même si il y a cette guerre actuellement contre le hijab et tout contre l'islam, hein, surtout en particulier en France, où les gens maintenant veulent interdire le hijab et le niqab et le djilbab et tout ça, eh bien, inshallah, yani, il y aura du bien probablement qui va en sortir, bi'idhnillah, que ce soit que les musulmans qui sont là-bas réussissent à partir ailleurs où ils vont pouvoir appliquer leur religion, ou bien yani, que yani, Allah fasse guider beaucoup de gens et les faire entrer dans l'islam, inshallah. Donc, le cheikh, il dit, par la suite, il commence à expliquer encore plus en détail à ce sujet-là. Mais là, il rentre dans un autre sujet. Mais là, on va s'arrêter ici. Puis on continuera ça la semaine prochaine, parce que le sujet de Al-Awra, c'est assez vaste. Et puis pour le définir, puis le détailler, puis donner ses limites, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on va s'arrêter ici, biznillah. Puis on continuera la semaine prochaine, inshallah. Donc je m'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.